Nous vous saluons tous au nom du Saint Jésus-Christ. Tuko na misalimia nyinyi wote mjina Bwana wetu Yesu Kristo. Nous voulons attirer l'attention à tous les frères, à toutes les sœurs. Tunapenda kufuta angalisho ya banduku bote na badada bote. En marchant, il ne faut pas piétiner les tuyaux et les câbles qu'on a enlevés sous terre. Mukutembea haifai kufinyanga ile nkamba na ile mpompi ya maji ya batosha mbulongo. En attendant que les techniciens viennent réparer cela. Mukongoja bafundi wapate kwa kutengeneza hiyo. Faites un effort pour éviter mufanye piétiner les tuyaux. Mufanye nguvu juu mwepuke kufinyanga ile mpompi ya maji. Mpila ya maji. Hier, c'était une journée spéciale. J'en ai reconnu ici comme moi au péché. Dieu a permis qu'on écoute la prédication de 16 minutes. Mungu aliruhusu tupate kushikia mahubiri ya dakika 16. Malgré la courte durée de la prédication. Ata vile kipande mahubiri ilikuwa ni mfupi kabisa. Mais les paroles qui ont été dites sont les paroles de Dieu. Lakini maneno yalisemewa ni maneno ya Mungu. Et encore des paroles très importantes. Na maneno tena ya mafaa zaidi. J'ai dit moi-même réécouter cela plusieurs fois. Na mimi mwenyewe nilishikilia tena mara mingi ile masauti. Je ne fais rien pour rien. Mungu afanyaki kitu kwa bure. Dieu n'est pas étonné par les circonstances. Mungu ashishitukaki juu ya mambo kunafika. Il n'y a pas de pluie de Satan. Hakuna mvula ya shetani. C'est Dieu qui a créé la pluie. Ni Mungu ndiye aliumba mvula. Et il le fait pleuvoir à son temps. Na iko na nyeshesha wakati yake. Il y a des gens qui prient pour que la pluie tombe. Kuko batu beko naomba juu mvula ipate kunyesha. Parce que tout homme a besoin que son champ soit arrosé. Dieu mtu anapenda mashamba yake mpate kumimiwa maji ya mvula. Et Dieu aussi répond à leur prière. Na Mungu naye anajibu kwa maombi yao. Et dans tout ce que Dieu fait, na mubiote bile Mungu anafanya, il le fait seulement pour sa gloire. Eh kunaifanya tu jua utukufu yake yeye mwenyewe. C'est pourquoi dans les jardins d'Eden. Ndio kwa maana bustani ya Edena. Dieu n'avait pas beaucoup de choses à dire au peuple. Mungu ashikwa na vitu vya mingi vya kuambia taifa yake. Chaque soir, kila mangaribi, il venait pour leur répéter la même parole. Alikuwa njoo kusema paka sauti moyo moyo. Et cette parole-là avait la vie. Na ile neno yake ilikuwa na bushimu. Avait la bénédiction. Ilikuwa ndani yayo na baraka. Elle avait la consolation en elle. Ilikuwa na ufaraja ndani yayo. Le jour où cette parole fut brisée, shiku ile neno ile barivunja. Et voilà les résultats. Tazama sasa matokeo yao ya mbaya. Le monde est en difficulté. Dunia iko magumu ya nguvu. Donc chaque parole que Dieu prononce, ngusema kila neno le Mungu anasema, a sa valeur. Iko na bei yayo. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame njoo kusoma neno ya Mungu. Dans Job au chapitre 27, mu Yobu sura ya 27, dans son verset 11 et 12, mustari ya 11 mpaka 12. Dieu notre Père, merci. Mungu baba yetu asante. Pour une belle journée que tu nous as donnée. Dieu ashiku ya mzuri unatupatia. Nous te bénissons, nous te remercions. Tunakubariki na tunakushukuru. Toutes les paroles qui ont été dites hier. Dieu ama misemo yote ilisemewa jana. Maintenant toi l'interprète de cette Bible. Sasa wewe mwenye kumtafsira hii Biblia. Descends Seigneur. Shuka Bwana. Viens l'interpréter dans notre vie. Uye uitafsiri ndani ya maisha yetu. Bénis chaque frère, chaque sœur. Bariki kila ndugu na kila dada. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Bariki mtumishi wako ulitumia. Pour conduire la prière. Dieu kuongoza maombi. Seigneur. Bwana. Que chaque prière qui t'a été adressée soit exaucée pour la gloire de ton nom, Seigneur. Maintenant, viens et accompagne-nous pendant le reste de notre vie terrestre. Et ce soir, dites-nous une parole qui va fortifier notre foi et qui nous conduira au véritable salut. Merci en tout, au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci et nous te disons Que ton nom soit élevé. Et nous te disons que le sang de l'agneau ouvre chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Job 27. Yobu makumi mbili na saba. Dans son verset 11. Mustarati ya kumi na moja. Et 12. Na kumi na mbili. Je vous enseignerai les voies de Dieu. Mita mifundisha manjia ya Mungu. Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Mita mificha mama kusudi ya uwezo yote. Mais vous les connaissez. Lakini munaijua. Et vous êtes d'accord. Na munaikubali. Pourquoi donc vous laissez aller à de vaines pensées que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole? Nous sommes en train de montrer à l'Église des choses qui conduisent beaucoup de gens à la dérive. Bitu bile binaongoza batu ba mingi mukwenda pembeni. Des choses qui empêchent les gens à expérimenter le véritable salut. Bitu bile binakosesha batu bapate kuonja okovu ya kweli. Voir les erreurs dans la parole de Dieu. Kuona mankosa ndani ya neno ya Mungu est un grand obstacle pour chacun de nous. Ni kizuio kinene sana njoo ya kila mmoja wetu. Affirmer que le dessein de Dieu, le plan de Dieu, la voix de Dieu n'est pas juste. Wakikisha sema makusudi mapu na ma njia ya Mungu na ya kunyoloka. C'est avoir de la méchanceté. Ni kuwa tuna roho mbaya. Contre votre propre âme. Kwa nafsi yako wewe mwenyewe. Nous vous avons montré que ce sont des faux prédicateurs. Tulimionyesha. Des faux prophètes. Des faux docteurs. Tumionyesha usema ni ba docteur babongo, ba mwalimu babongo na ba nabii babongo. Qui encourage les gens. Job kora kankamisha bantu. Dans cette fausse inspiration. Mwile kusukuma kwa roho kwa bia bongo. Dans cette fausse vision. Ya mwile kuona kwa bongo. Pour les empêcher d'expérimenter Dieu. Dieu akubakosesha bashonje Mungu. Pour les empêcher d'avoir le véritable salut. Les faux prophètes, les faux docteurs enseignent et disent que la Bible n'est pas inspirée. Les autres disent, il y a une partie qui est inspirée et une autre qui ne l'est pas. Les autres disent, comme l'Église catholique, la Bible est inspirée, mais l'Église est au-dessus de la Bible. C'est vrai. Nikweli. Et hier, nous vous avons dit ceci. Na jana tulimwambia hivi. Tout homme qui déclare mutu wote kunasema que la Bible n'est pas inspirée. Ya kwamba Biblia ile yenye kusukumwa na roho ya Mungu iandikiwe ou elle est inspirée à moitié. Au iko yenye kwa isukumwa na roho ya Mungu mkipande yayo. Il y a beaucoup d'erreurs dans les Saintes Écritures. La Bible n'est pas entièrement la parole de Dieu. Nous avons montré hier que ce langage négatif à l'égard de la Bible, ce langage méprisant à l'égard de la Bible, ne vient qu'un démon qui vient directement de l'enfer. Et en tant que fils et fille de Dieu, vous n'avez pas le droit de prêter oreille à de telles paroles. C'est pourquoi nous avons dit hier, depuis que ce monde existe, il n'y a jamais eu, il n'y a pas, hakuna, et il n'y aura jamais un livre qu'on peut comparer kitabu kile utaweza kufananisha sur toute la terre pa dunia pote avec la Sainte Bible. Na hii Biblia takatifu. Ça n'existe pas. Aina kwa kina kwa kile kitabu. Malgré que le monde est rempli de beaucoup de livres. Hata vile dunia iko ikujaa na mabitabu ya mingi. Des raisonneurs, des philosophes, des penseurs libres, des historiens ont écrit des livres, des savants ont écrit des livres. Il n'y a aucun livre qu'on peut comparer avec la Sainte Bible. Ça n'existe pas. Et ça n'existera pas. Que ça soit chez les musulmans, iwe kwa Waislamu, que ça soit chez les bouddhistes, iwe kwa Bouddhiste, que ça soit chez les Africains, iwe kwa tu Afrika, dans la religion de noir, madini ya bantu weusi, il n'existe pas, hakuna, un livre comme la Bible. Kitabu kimoa sawa Biblia. Pourquoi? Tu as ni. La Bible, Biblia, est le Dieu tout-puissant, ni Mungu aweze yote, sous la forme de l'écriture, muali ya miandiko, sous la forme du livre, muali muumbo ya kitabu, muali au ya kitabu, le Dieu qui a créé tout ce que vous voyez, Mungu aliumba byote byo kunaona, tout ce que vous ne voyez pas, na bile byote muone, est appelé la Bible. Anaitwa Biblia. C'est le Dieu tout-puissant. Ni Mungu aweze yote. Le Dieu vivant. Mungu mwiko hai. Le Dieu de toute éternité. Mungu wa milele yote. Sous la forme de l'écriture. Muali ya maandiko. Sur toute la terre. Pa dunia pote. La Bible est l'unique livre inspiré directement par Dieu lui-même. Il est l'unique livre que Dieu lui-même a écrit au moyen de ses prophètes. C'est vrai. Ces hommes qui étaient loin de l'esprit du Tout-Puissant pour consigner les paroles du Tout-Puissant dans un livre, et même quand il écrivait, il ne comprenait pas ce qu'ils écrivaient. Pourquoi leur matrice était fermée pour qu'ils n'injectent pas de mensonges et leur pensées dans la parole de Dieu. Quelle sagesse divine. Même quand Isaïe prophétisait sur la venue de Christ, il ne comprenait pas. Une vierge concevra. C'est une chose qui n'avait jamais existé sur la terre. Quand Moïse écrivait la semence de la femme, il ne comprenait pas ce qu'il écrivait. Il était loin. alikuwa chini ya upako wa roho ya Mungu. Son esprit royaki était bloqué, ilikuwa yenye kufungwa, pour que les paroles et les pensées d'homme, ju mawazo na mamisemo ya bumuntu, ne se mélangent pas avec la pensée et les paroles de Dieu. Ishichanganike na mawazo na neno ya Mungu. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. La Bible, Biblia, est l'unique livre parfait. Jo kitabu tu kimoya cha kikamilifu. Saint, takatifu, et sans erreur. Na ndani ya yomula muna nkosa. Il n'y a pas de livre saint sur la terre. Hakuna kitabu takatifu pa hii dunia. C'est seulement la Bible qui est le livre saint. Ni paka tu Biblia ni kwa kitabu takatifu. Le Coran n'est pas saint. Coran aina takatifu. Tome 1, tome 2 de Graal n'est pas saint. Tome ya kwanza na ya pili ya ba messager de Graal aina takatifu. Un livre qui est écrit par les raisonneurs. Kitabu yake kinaandikiwa na watu wa kufikiri fikiri. C'est vrai, frère. Nikweli nduku. C'est vrai, sœur. Nikweli dada. C'est la Bible. Paka tu Biblia. Est l'unique livre de la vérité. Njo kitabu tu peke kia ukweli. C'est la Bible. Paka tu Biblia. Contient tous les desseins de Dieu. Njo ikundani yamu na mapuyote ya Mungu. Plans de Dieu. Na makusudi yote ya Mungu. C'est le livre de la rédemption. Ni kitabu ya ukombozi. Quiconque veut être sauvé. Yeyote anapenda ukolewe. La Bible. Biblia. Et la carte routière. Njo ile kartasi ya bunjia wanampachi. Qui lui montre comment atteindre le salut. Ile tamonesha namna kani ya kufika kwa wokovu. Toutes les paroles de la Bible, mamisemo maneno yote mu Biblia, sont infaillibles. Haiwezi kukotola. Ne tomberont jamais. Haiwezi kuanguka kamwe. La Bible est un livre éternel. Biblia ni kitabu cha milele. C'est vrai, frère. Bia kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Bia kweli dada yangu. C'est dans la Bible. Nindanya Biblia. Comme je le disais hier le soir dans l'exhortation. À la maison. C'est seulement dans la Bible. Ni paka tu ndanya Biblia. Où on trouve la vie de tout homme sur la terre. Mule ba mnapatikanika buzima ya mtu wote pa hii dunia. Ta vie. Buzima bwako. De ta naissance. Kuanzia kuzaliwa kwako. Jusqu'à ta mort. Kufika na kulufu yako. Se trouve dans cette Bible. Inapatikana mu hii Biblia. C'est même dans cette Bible. Ni hata mu hii Biblia. Où se trouve. Mule mwiko. La vie de tout homme qui vit sur cette terre. Buzima ba mtu wote kunaishi pa hii dunia. C'est dans cette Bible. Nindanya hii Biblia hii. Que les pensées de tout homme. Na mawazo ya mtu wote. Sont dévoilées. Ile banaweka wazi. Il n'existe aucune Bible, aucun livre. Hakuna ta kitabu kimoya. Comme la Bible. Sawa Biblia. Cette Bible. Hii Biblia. Est un don de prophétie. Ni zawadi ya unabii. C'est vrai, frère. Nibia kweli nduku. Cette Bible. Hii Biblia. Discerne les pensées. Hii unatambua mamawazo. De tout homme qui vit. Ya mtu wote kunaishi. Sur cette terre. Pa hii dunia. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. C'est la Bible. Paka tu Biblia. Et la révélation complète. Jo ufunuo ya kweneana. De Jésus-Christ. Ya Yesu Kristo. La révélation totale ufunuo ya utele, de la volonté de Dieu. Ya mapenzi ya Mungu. Il n'existe pas deux ou trois. Hakuna ko biwili au bitatu. Livre dans cette sur cette terre ici. Bitabu pa hii dunia hii. Comme la Bible. Sawa Biblia. C'est pourquoi elle est digne de foi. Inastahili kuweka mu imani. C'est vrai. Ni bia kweli. La Bible. Biblia. Et la parole éprouvée. Jo neno nye kupimwa. Avant que ne soit, avant que la parole de Dieu ne soit consignée dans ce livre, mbele ya neno ya Mungu ipate kuandikiwa ndani ya kitabu, Dieu l'a éprouvé. Mungu alipima. En longueur. Muburefu yake. En largeur. Mubufupi yake. En profondeur. Mupana yake. En hauteur. Muburefu yake ya yulu. C'est la vérité. Ni ukweli. Il n'y a pas de mensonge. Amuna uongo. Et il a consigné dans la Bible. Na aliweka ndani ya Biblia. Chaque virgule de la Bible. Kila nukta ya Biblia. Chaque mot de la Bible. Kila msemo ya Biblia. Chaque phrase de la Bible. Kila mstari ya Biblia. Doit s'accomplir. Inapaswa itimiliki. C'est le seul livre. Ni kitabu tu kile kipekee. Où chaque mot. Mule kila msemo. Où chaque phrase. Mule kila msemo. A un sens. Iko na maana yai. Il n'y a pas de mot vide. Hakuna msemo ile ina maana. Sans sens dans la Bible. Bila maana ndani ya Biblia. Mais Dieu l'a rédigé lakini Mungu aliandika d'une haute sagesse na hekima ya yulu kabisa de manière namna à voiler sa compréhension apate kuficha kuelewa kwayo et sa révélation na ufunulo yayo aux intellectuels kubatu benye kujifunza bantu ba yakili. Ce n'est pas un livre aina kitabu qu'on peut comprendre intellectuellement. Yeye unaweza kuielewa juri funza. On ne peut pas l'étudier. Hawezi kuifunza. D'une manière intellectuelle. Namna ya vile wanafunza masomo. Le comprendre. Na kuielewa. D'une manière intellectuelle. Namna ya kielimu. L'interpréter. Kuitafsiri. D'une manière intellectuelle. Namna ya kielimu. L'expliquer. Kuifasiria. D'une manière intellectuelle. Namna ya bumuntu ya akili ya bumuntu. Ce n'est pas un livre d'homme. Aina kitabu kia muntu. C'est Dieu. Ni Mungu. Le livre de Dieu. Kitabu ya Mungu. La parole de Dieu. Neno ya Mungu. C'est vrai, frère. Nibia kweli nduku. Il n'y a pas de mensonge. Amuna ndani ya uongo. Non bien aimé, frère. Apana bapendwa nduku. C'est pourquoi Proverbe dit ceci. Njoko mana mezali kuna sema hivi. Dans Proverbe chapitre 30. Mezali sura ya makumi tatu. La Bible dit. Il y en a ces mots. Toute la parole de Dieu. Mustara ki atano neno yote ya Mungu. Est éprouvé. Iko yenye kupimwa. Il est un bouclier. Iko ni ngabo. Pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Kubalebe unatafuta ndani yamu uficho. N'ajoute rien à ses paroles. Ushongeze kitu kuma misemo yake. De peur qu'il ne te reprenne. Kwa oga ashikukemee. Et que tu ne sois trouvé menteur. Na ushipate kupatikanika mtu wa uongo. N'ajoute rien. Apana kuongeza kitu kuneno ya Mungu. N'ajoute rien à la Bible. Ushongeze kitu ku Biblia. Ne retranche rien à la Bible. Ushipunguze kitu ku Biblia. De peur qu'il ne te reprenne. Kwa oga ashikukemee. Et que tu ne sois trouvé menteur. Na ushionekane kuwa mtu wa bongo. Ce n'est pas pour rien. Aina kwa bule. Que la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Dans Apocalypse 22, Mufunulo sura makumi mbili na mbili, au chapitre 18 à 19, Mumustara kumi na mnane pa kumi na tisa, je le déclare, mina itangaza, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, kwa yote nasikia maneno ya unabii ya mwikitabu, si quelqu'un y ajoute quelque chose, kama mtu anaongeza mkitu kimoya, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Mungu atampiga kuma matabu ile inaandika mwikitabu. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, kama mtu anapunguza kitu kimoya mwa misemo ya cette prophétie, ya hii unabii, Dieu retranchera sa part à l'arbre de la vie. Mungu atapunguza sehemu yake kumuti ya uzima. De la ville sainte, ya mudi takatifu, décrit dans ce livre. Yenye kuandika ndani ya kitabu. Ajouter, kuongeza, et retrancher, na kupunguza, une seule parole, neno tu moja, de ce livre, ya mui kitabu, Dieu te reprendra. Mungu atakukemea. Il va te châtier. Atakupiga, atakuapiza. C'est vrai. Bien quoi. Les fléaux te frappent, te frapperont. Mama tesso takupiga. Et tu seras retranché. Nauta tosho. De l'arbre de la vie. Umuchi abuzima. Et Dieu prouvera que tu es un menteur. Na Mungu atakikisha sema uko mtu wa uongo. Tout homme. Mutoti. Qui ajoute uleko naongeza ou qui retranche à la Bible aona punguza ku Biblia est un menteur, ni mtu wa bongo. C'est vrai, ni kweli. Il est éprouvé par Dieu lui-même. Ni kwenye kupimwa na Mungu yeye mwenyewe. Il n'a pas besoin de votre interprétation. Haina lazima na kutafsiri yako wewe. Non, hapana. Il n'a pas besoin. Haina lazima de votre pensée. Ya mawazo yako. D'y ajouter votre pensée. Ya kongeza mawazo yako. Non, bien-aimés frères. Apana bapendwa ndugu. Non, bien-aimés sœurs. Apana mpendwa dada. Dans 2 Samuel. Mu Samuel wa pili. Au chapitre 22. Mu sura makumi mbili na mbili. Elle est écrite. Et il est écrit, le livre est écrit. Kitabu kiko kwenye kuandikiwa. La Bible est écrite. Biblia iko kwenye kuandikiwa. De manière à ce que tout le monde, mwanamke anasema bote, le craint. Bapate kuogopa. 2 Samuel chapitre 22. Samuel wa pili sura makumi mbili na mbili. Dans son verset 31. Mustari ya makumi tatu na moja. Il est dit, banasema, les voies de Dieu sont parfaites. Manjia ya Mungu iko kamilifu. La parole de l'Éternel est éprouvée. Neno ya milele iko kwenye kupimwa. Il est un bouclier pour tous ceux iko qui se confient en lui. Gabo kubale kubale bote wanajitolea ndani yake. C'est vrai. Ni bien quoi. Et Psaume 119. Na Zaburi 119. Dans son verset 140, ta parole neno yako est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Notre amour envers la parole de Dieu, c'est de s'abstenir ni kujizuiza en toutes choses, mu bitu byote, en toute occasion, mu mambo yote, en toutes circonstances, mu mambo yote kunafika, d'y ajouter kuongeza mu ou d'y retrancher quelque chose, au kutosha mu kitu kimoya. C'est vrai, frère. Ni bya kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Ni bya kweli dada yangu. Comme la parole de Dieu est éprouvée. Vile neno ya Mungu iko kwenye kupimwa. Si tu lui fais confiance. Kama unaweka mtumaini yako. La parole de Dieu. Neno ya Mungu. Sera ton arme défensive. Itakuwa ni silaha yako ya kukombana nayo. Un bouclier est une arme défensive. Gabo ni silaha ya kujikinga nayo. C'est la parole de Dieu. Ni neno ya Mungu. Qui te protégera et, kukinga, et qui te défendra na contre tous les attaques de l'ennemi. Umashambulio yote ya badui. Parce que la Bible, elle est vivante. Juu Biblia iko hai. La parole de Dieu est vivante. Neno ya Mungu iko hai. C'est un Dieu vivant. Ni Mungu mwenye iko hai. Vous voulez échapper. Unapenda kuepuka. À toutes les tentations de l'ennemi. Mabishawishi byote bya adui. Vous voulez vaincre. Unapenda kushinda. Toutes les tentations de l'ennemi. Mabishawishi byote bya adui. Reste derrière la parole de la Bible. Bakia nyuma ya misemo ya mu Biblia. Satan ne t'atteindra pas. Shetani hashitakupata, hashitakugusa. Quand vous sortez de la Bible, wakati tunatoka mu Biblia, vous sortez de l'écriture, unatoka mu maandiko, vous croyez des choses, unaamini vitu, qui ne sont pas conformes à l'écriture, kuambatana na maandiko, vous êtes déjà vaincu. Uko mwenye kushindiwa. Restez dans la Bible. Baki ndani ya Biblia. En toutes choses, l'Église est avec moi. Biote, kanisa pamoja nami. Vous voulez réellement être sauvé. Unapenda kika kuokolewa. Restez dans la Bible. Baki ndani ya Biblia. Vous voulez réellement être guéri. Unapenda kika kuokolewa. Restez dans la Bible. Kutunzwa baki ya Biblia. Vous voulez être béni. Unapenda kubarikiwa. Restez dans la Bible. Baki ndani ya Biblia. Tout ce que tu voudras. Bile biote utataka. Restez dans la Bible. Baki ndani ya Biblia. Ne croyez jamais des choses contraires à la Bible. L'Église est avec moi. Même si ces choses se font bien entendre à tes oreilles, même si ça se voit très bien à tes yeux, si ces choses ne se trouvent pas dans la Bible, ne croyez pas en cela. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Même si cela semble avec beaucoup d'onction, toute onction ne vient pas de Dieu. Ushiamini, ne croyez pas, na ushanze kukubali, et n'acceptez na pas, na kutembelea, et de visiter, kukankamania, et de prospérer, bintu bila ambao abina ndani ya Biblia, des choses, utapoteza nafsi yako, tu vas perdre ton âme. Il y a une déclaration que j'apprécie beaucoup de Frère Branham. Il dit ceci. Peut-être je vais la lire ou je la lirai plus tard. Je verrai comment le Seigneur va faire les choses. Frère Branham dit, c'est vrai. Dieu est capable de faire beaucoup de choses qui ne sont pas consignés dans la Bible. Ça, c'est vrai. Parce qu'il est éternel et il est le Tout-Puissant. Mais tout ce qui est écrit dans la Bible a été consigné pour que nous, en tant que fils de Dieu, nous croyons que Jésus-Christ est Seigneur. Et tout a été consigné. Tout nous a été donné comme matériel nécessaire pour notre salut. Tout ce que Dieu a vu que c'était nécessaire pour ton bien, pour ton salut, pour ta bénédiction, pour ta protection, Dieu l'a consigné dans la Bible. C'est pourquoi nous croyons la Bible. Nous défendons la Bible. Mais tout ce que Dieu a vu, que ce n'est pas nécessaire pour votre foi, pour votre salut, pour votre bénédiction, il ne l'a pas consigné dans la Bible. Mais il est capable de faire des choses grandes qui ne sont pas consignées dans la Bible. Mais un chrétien, même si Dieu faisait des choses qui ne sont pas dans la Bible, mais un chrétien, lui, préfère rester avec l'écriture. Un véritable chrétien reste avec l'écriture. Ce qu'il voit qu'il ne soit pas dans les écritures, il les regarde au loin. Cette citation-là se trouve dans la vie de Christ, la vie cachée en Christ. Vous voyez bien, mes frères. Voilà pourquoi un élu ne sera jamais séduit. Muteule achamukake jua rona miujiza parce qu'il voit les miracles. Jua muteule anajua kusema parce qu'un élu reconnaît miujiza les miracles. Na mademo inaifuanyaka, même les démons les accomplissent. Na ba faux ouin, même les faux ouin banaifuanyaka, ils accomplissent des miracles. Mais le salut n'est pas dans les miracles. Lakini okofu le salut est dans sa parole. Okofu kunindanya neno yake. Même quand Dieu, Jésus lui-même, combattait avec Satan. Il n'a pas vaincu Satan avec des miracles. Il a vaincu avec les Écritures. Si tu acceptes, tu crois des choses qui ne sont pas dans la Bible, vous êtes sur le terrain du diable, vous êtes vaincu et vous perdrez votre âme. Dieu est dans l'Écriture, Satan est en dehors de l'Écriture, dans les raisonnements. Il est qui le mwangushaka Adam à Eve. Ce qui a fait tomber Adam et Eve, c'est d'accepter ma raisonnement inje ya manjiko, les mafikiri inje ya neno la Mungu, qui sont en dehors de la parole de Dieu. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Et d'ailleurs, nous sommes au temps de la fin. Japo tuku wakati ya mwisho. Kuvunja tu neno moya ya Mungu. Briser seulement une seule parole de Dieu. Ou interpréter mal une seule parole. Tu es déjà dans le terrain du diable. Ku négliger seulement un seul mot de la Bible. Négliger tout ce mot moya mbibia. Ou déjà nje ya mapenzi ya Mungu. Tu es en dehors de la volonté de Dieu. Mais quand vous êtes dans la Bible, lakini wakati uko mu Biblia, vous êtes dans un lieu sûr. C'est vrai, frère. Nous voulons demeurer dans la Bible. Parce que la Bible est la parole de Dieu parfaite qui restaure notre âme. Vous savez ce que signifie restaurer? C'est réparer. Restaurer. C'est vrai, frère. Restaurer. C'est arranger. Et de remettre dans un bon état. Voyez bien, mes frères. Naona. C'est la Bible. Mais Biblia. Qui fait d'un homme, qui amène dans un homme le bon sens. Quand vous regardez la parole de la Bible, vous resterez dans le bon sens. Et votre bon sens vous conduira à mettre toute votre foi en Dieu. Et votre foi en Dieu va te ramener la vie de Dieu en vous. Et ton âme sera restaurée. Parce qu'elle est la seule parole de Dieu. C'est psaume 19 qui le dit. Zaburi 19 inasema. Psaume 19. Zaburi sura 19. Dans son verset 8. Mustari ya 8. La parole de Dieu. Neno ya Mungu. La Bible. Biblia. Dieu sous la forme de l'Écriture. Mungu mwali ya maandiko. La parole de Dieu infaillible. Neno ya Mungu la yawezi kuanguka. Psaume 19. Zaburi 19. Dans son verset 8. Mustari ya 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Les paroles de vérité sont les paroles de vie. Les paroles de délivrance. Les paroles du salut. C'est vrai, frère. En dehors de la Bible, il n'y a pas de parole de vérité. Tout est mensonge. Yote ni uongo tu. C'est seulement la Bible. Ni pas qu'à tout Biblie. Comme Néhémie le dit. Vile Néhémie konaisema. Dans Néhémie chapitre 9. Néhémie sura kiatis. Dans son verset 13. Mustara kia kumina tatu. L'Écriture dit ceci. Andiko nasema hivi. Écoutez comment Néhémie dit. Mushie vile Néhémie konaisema. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Ulishuka pa mlima Sinai. Tu leur parlas du haut des cieux. Ukasema tokia mbingu. Et tu leur donnas des ordonnances justes. Nalubapatia maagizo ya kweli. Des lois de vérité. Masheria ya ukweli. Des préceptes et des commandements excellents. Makanuni na maamri ya mzuri kabisa. Des ordonnances justes. Maagizo ya kweli. Des lois de vérité. Masheria ya ukweli. Des préceptes et des commandements excellents. Maagizo na maamri ya mzuri kabisa. Dans Psaume Muzaburi 119. 119. Dans son verset mustari yake 151. L'Écriture dit ceci. Andiko nasema hivi. Tu es proche au Éternel. Uko karibu wa milele. Tous tes commandements, ma amri yako yote, sont la vérité. Iko ni ukweli. Tous tes commandements, ma amri yako yote, sont la vérité. Ni ukweli. C'est la Bible, ni Biblia, qui contient les paroles de vérité. Joy kundani yamo maneno ya ukweli. Où on trouve les lois de vérité? Mulebe unapata mwashere ya ukweli. Les ordonnances justes. Magizo ya kunyoloka ya kweli. Oui, bien-aimé frère et soeur. Dieu wapendwa nduku na dada. Dans 2 Samuel chapitre 7. Samuel wa pili sura ya 7. Dans son verset 28. Maintenant Seigneur. Sasa Bwana. Tu es Dieu. Uko Mungu. Et tes paroles na maneno yako sont vérité. Iko ni ukweli. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Na ulitangaza inema kwa mtumishi wako. Kushikia masauti vitu kuna ishikia. Écoutez les paroles comme les entendons. Na kuyamini. Et les croire. Kupata ufunuo ya kusema. Avoir la révélation. Nje ya hii Biblia. En dehors de cette Bible. Hakuna kitabu ya ukweli. Ni aucun livre de vérité. Mungu. C'est Dieu. Muumbo ya kitabu. Dans la forme d'un livre. Frère, c'est une grâce. Ile nduku ni neema. Ni kupitia miandiko ya kitabu. C'est au travers des écritures de ce livre que nous nous sommes sauvés. Chitu na badirika. Nous nous sommes changés. Chitu na kwa na bujima. Nous nous avons la vie. Chitu na kingwa. Nous nous sommes protégés. Kuma attaque yote ya adui. À tous les attaques de l'ennemi. C'est une grâce. Ni neema nduku. Ni kupitia maandiko. C'est au travers les écritures. Ya kitabu. De ce livre. Que chitu na kombolewa kwa zangu. Que nous nous sommes sauvés au péché. Frère, c'est une grâce. Ni neema nduku. C'est vrai, frère. Ndiyo kweli nduku. C'est pourquoi. Joko amana. Quand l'ange parlait à Daniel, wakati, dans Daniel. Malaika alikuwa anasema kitabu ya Danieli. En parlant de ce livre. Mkusemea yule ya kitabu. Il dit. Akasema. Dans Daniel, l'ange dit à Daniel, dans Daniel chapitre 10. Danieli sura ya 10. Malaika akamwambia Danieli. Dans son verset 21. Mstari wa 21. L'ange. Malaika. Le témoin. Mushuda, le témoin céleste. Mushuda wa kumbingu. Il dit à l'ange. Akamwambia Daniel. Dans son verset 21. Mais. Lakini, je vais te faire connaître ce qui est écrit dans les livres de la vérité. Mita kujulisha kile chenye kuandikwa mu kitabu ya ukweli. Ce n'est pas dans le Coran. Haikuwe mu kitabu ya Waislamu. Dans les tomes de Graal ou. Haikuwe mu kitabu dans des ya petits livres du témoin de Jéhovah. Non, non. Au mutuma bitabu tuloko to bashuda ya Yehova. C'est seulement la Bible. Ni pas qu'à tout Biblia. Comme Esaïe le déclare. Esaïe 34 verset 16. C'est la Bible. Ni Biblia. Qui est l'unique livre de l'Éternel. Que nous devons lire tous les jours. Un véritable chrétien. Mon Christ wa kweli. Lit tous les jours les livres de la vérité. Kitabu kia ukwe. Les livres de l'Éternel. Kitabu kia wa milele. La parole de Dieu. Neno ya Mungu. Pourquoi? Parce que dans ce livre, il y a les paroles inspirées, les paroles vivifiantes du Tout-Puissant. C'est vrai, frère. Dans ce livre, il y a les paroles inspirées de Dieu et les paroles vivifiantes. C'est vrai, frère. C'est pourquoi Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, dans son verset 16, 2 Timothée chapitre 3, il dit toute écriture, verset 16. Toute écriture, chaque écriture de la Bible est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. Accepte que les écritures t'enseignent. Est-il pour enseigner? Pour convaincre? Oui, j'attire. Mangiko ya Bible, il faut convaincre. Que les écritures de la Bible puissent dominer sur toi. Soyez soumis. Restez esclaves des écritures. C'est vrai. Pour corriger. Laissez-vous corriger par les écritures. Pour instruire dans la justice. Laissez-vous être instruit par les Écritures. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. C'est vrai. La Bible fera de toi un homme parfait, une femme parfaite et propre à toute bonne œuvre. Tu seras salé, tu seras lumière. Laisse-toi être corrigé, être instruit, être enseigné. Laisse-toi convaincre par la parole de vérité, par les saintes écritures. Frère, dans notre cœur, nous croyons sans doute que cette Bible est toute la vérité. Si vous ne croyez pas ainsi, vous avez un démon dans le cœur, dans votre cœur. Et vous ne serez ni sauvé, vous ne serez ni guéri, vous n'aurez aucune bénédiction. C'est vrai, frère. Parce que ce livre vient de celui qui a dit: vous voulez le chemin pour le ciel? Moi, je suis le chemin. Vous voulez la vie? Moi-même, je suis la vie. Vous voulez la vérité? Je suis la vérité. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Méprisez cette Bible. Méprisez les saintes écritures. C'est se perdre soi-même. Si tu veux te perdre, Beula Mandiko. Mépris les écritures. Beula Biblia. Méprisez la Bible. Kama unapenda kupotea, si tu veux être perdu, unapenda kupoteza nafsi yako, tu veux perdre ton âme, tangulia kubeula Biblia. Commence par mépriser la Bible. Kubeula mamanjiko. Mépriser les écritures. Ukoneye interprète vile unapenda. Interprète comme tu veux. Ah, utenda mumoto. Là, tu iras dans la guerre. C'est vrai, frère. Ni vile nduku. Je pense que c'est une écriture me vient à l'esprit. Je la lis avant de nous séparer. Dans Proverbe chapitre 13. Mezali sura kuminatatu. Verset 13. Kuminatatu. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Celui qui méprise la parole se perd. Mais celui qui craint les préceptes est récompensé. Celui qui méprise la parole de Dieu, c'est père. Kukosa heshima kuneno la Mungu. Manquer le respect la parole de Dieu. Ni kujipoteza we mwenyewe. C'est perdre soi-même. Kukatala kuheshimia maandiko. Refuser de kujipoteza we mwenyewe. Ni kujiletea laana. C'est s'amener la malédiction. Ni kusukuma wokovu yako mbali. C'est repousser ton salut au loin. Utaanza kubakia miaka na miaka mukanisa. Tu resteras tous les années dans l'église. Depuis que je n'ai pas le Saint-Esprit, depuis que j'ai cru, je ne vois pas le changement depuis que j'ai cru. Biripanda birishuka. Les choses ainsi de suite. Angara ndani ya maisha yako. Regarde dans ta vie. Uko na beula neno la Mungu. Tu méprises la parole de Dieu. Tu diras, oh non, moi je suis un croyant. Je vais à l'église tous les jours. Venir à l'église, ce n'est pas un problème. L'obéissance totale à toute la parole, à chaque parole de la Bible, nous conduit à la délivrance. Il y a cela que toi tu rejettes. Il y a ceux-là qui t'ont obéi et d'autres que tu refuses d'obéir. D'où viendra ta délivrance? Celui qui méprise la Bible, celui qui méprise la parole, il perd son âme. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Lève-nous pour la prière. Nous allons continuer. Vous voyez bien mes frères. N'écoutez jamais un homme, un prédicateur, mubiri, qui qu'il soit, qui parle d'une manière défavorable, d'une manière négative de la Bible. Et on a sema la Bible, il y a mubaya. Fuyez loin. Mwende mbari, mkimbie mbari. Loin de tout homme qui interprète avec légèreté les Saintes Écritures. N'acceptez jamais un homme qui te force de croire des choses qui ne sont pas consignées dans la Bible. Ne l'acceptez pas. Si tu trouves que même moi qui te parle ici, je commence à t'enseigner des choses qui sont contre la Bible, ne les accepte pas. N'acceptez pas par honte ou par crainte seulement les choses qui ne se retrouvent pas dans les Saintes Écritures. Me disait, même cet ange qui vient chaque jour, s'il si me dit des choses qui ne sont pas contre, qui ne sont pas dans la Bible, qui sont contre la Bible, je ne croirai pas. Même cet ange qui vient directement du Seigneur, s'il commence à tenir un langage contre la Bible, je ne l'écouterai pas. C'est vrai. Notre foi est entièrement basée sur la Bible. Nous avons un Dieu biblique. Nous croyons à un Dieu biblique. Nous croyons aux promesses bibliques. Nous croyons aux enseignements bibliques. Nous croyons à l'église biblique. Nous avons une foi biblique. Nous avons un baptême biblique. Nous avons une vie biblique. Nous devons avoir une vie biblique. Sur toute la ligne, ça doit être la Bible. Il n'a pas Que Dieu vous bénisse. Mungu wa mibariki. Prions. Tuombe.